Des informations sud-coréennes ont annoncé la 13e action pan nationale organisée le 21 janvier sur toute l'étendue sud-coréenne par l'Action nationale d'urgence pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye. 353 000 ouvriers, paysans, commerçants, jeunes élèves, employés de compagnie, enfants et autres ont participé à la lutte. Sur la place de Gwanghwamun à Séoul a lieu le rassemblement à la bougie de la journée de la 13e action pan nationale pour le retrait immédiat et la destitution précoce de Park Geun-hye. Au terme du rassemblement, les participants ont livré la manifestation vers la Maison Bleue, le tribunal constitutionnel et les sièges de Trust. Le même jour, la 13e action pan nationale a été livrée dans d'autres régions aussi.